moment. Allez, le voilà, notre athlète français qui continue sur sa lancée. Il est concentré, il s'avance. Et voilà, ça y est, c'est la victoire. Il ouvre son contrat chez EDF. Mais quelle émotion, c'est un grand moment. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Un certain nombre d'autochtones ne se vivent plus en France comme référents culturels. France Inter, octobre 2013. Il faut réfléchir et faire en sorte, jusque dans l'école, que la France redevienne un pôle d'identification et qu'elle reprenne un contact plus profond et plus positif avec sa propre civilisation. Quand les médias créent la polémique. Christelle Le Polothèque et Soumanina. Tout d'abord, il y a eu l'appel des 80 intellectuels, paru dans l'hebdomadaire Le Point en novembre 18. Des personnalités comme Elisabeth Banater, Alain Finkielkraut, Mona Ozouf ou encore Pierre Nora y dénoncent le décolonialisme hégémonique. Mois après mois, les articles alarmistes se sont succédés dans Le Point ou Marianne. Des tribunes également, et des contre-tribunes, parues dans des quotidiens comme Le Monde ou Libération, le plus souvent sur Mediapart. Venues des sciences sociales, les questions de genre et de race sont soudain devenues l'épicentre d'une polémique médiatique aux arguments tranchés et aux camps irréconciliables. Ces affrontements ont trouvé un terreau fertile dans un contexte post-MeToo et d'inquiétude face à ce que l'on appelle désormais le séparatisme. En quelques mois, par journaux interposés, une guerre de tranchées était née. Céline Masson, vous êtes professeure des universités à Amiens. Vous avez signé plusieurs tribunes, l'une dans Le Monde en septembre dernier, donc une tribune de 80 psychanalystes, et une autre dans Marianne. Quels étaient les objets de ces tribunes ? Alors, on s'est inquiété effectivement de l'entrisme décolonial à l'université. Effectivement, plusieurs affaires nous ont alertés. Notamment l'affaire Dorin à Limoges, un collègue donc un professeur de sociologie qui a été exclu de son laboratoire parce qu'il avait dénoncé les théories décoloniales et notamment la venue dans la salle des actes de l'université de Limoges d'Ouria Boutelja. Il s'agit de cet membre du Parti des indigènes, c'est ça ? Oui, tout à fait, qui est la présidente de l'association, puisque c'est une association des indigènes de la République, voilà. Et donc Stéphane Dorin s'inquiétait de la venue d'une représentante, enfin de la présidente de cette association, qui quand même a des thèses pour le moins, en tout cas interrogantes, notamment qui parle de domination sioniste, qui parle de suprématisme blanc, de domination blanche, voilà, qui dit Mohamed Merah c'est moi et c'est pas moi, etc. voilà, bon, qui a quand même des propos, on va dire peut-être douteux. Une association donc très militante, minoritaire, hein. Et donc Stéphane Dorin, il a été clairement exclu de son laboratoire. Alors bon, les raisons n'étaient pas celles-ci, on ne donnait pas ces raisons, mais lui a alerté et a porté plainte. Il a eu gain de cause, hein, puisque le conseil, c'est le tribunal administratif, qui l'a, donc, lui a permis de réintégrer son laboratoire. Donc moi, je suis psychanalyste, effectivement, je m'intéresse un peu aux symptômes. Et il y a des affaires comme ça dans les universités qui ont fait symptômes. Et ça touchait notamment à l'influence ou l'entrisme décolonial, ces théories qui s'insinuent effectivement, j'allais dire sournoisement, dans différents départements, et notamment, bon, peut-être plus davantage chez les sociologues en sciences politiques. Chez nous aussi, chez les psychanalystes, il y a quelques départements de psychanalyse, effectivement, qui enseignent aussi le décolonialisme sous couvert de postcolonialisme. Isabelle Barberis, vous êtes maître de conférence en art du spectacle à l'Université Paris 7. Vous vous êtes très clairement positionnée dans cette querelle qui agite les sciences sociales sur ce que vous appelez la mainmise du politiquement correct dans le domaine des arts en particulier. Oui, je me suis clairement positionnée. Je suis entièrement d'accord. Pas sur la mainmise du politiquement correct. Mon ouvrage est plus nuancé que cela. Il porte son vrai sujet, c'est le nouvel académisme anticulturel, et il dénonce aussi finalement des prises de position politiquement incorrectes. Hein. Donc c'est sur ces nouveaux positionnements qui sont très très intolérants, qui se prétendent inclusifs mais qui s'avèrent excluant en fait, cette nouvelle intolérance qui avance gantée de tolérance, sont ces mécanismes un peu retors que j'ai essayé d'analyser dans le milieu culturel plus qu'académique effectivement. Concrètement, ce sont systématiquement des contenus différentialistes et identitaires que l'on pourrait décliner, qui répondent à un paramétrage biologique ou biologisant, un reparamétrage biologique et biologisant des questions sociales, le sexe et la race. Dans la théorie décoloniale de la colonialité globale, c'est la race qui subsume les enjeux de sexe, qui subsume les enjeux anticapitalistes et qui subsume les enjeux de lutte sociale. Donc c'est le concept en fait en haut de la pyramide. Hein. Donc, ce sont des enjeux identitaires qui répondent donc à ce type de hiérarchisation idéologique. Une forme de perspectivisme global, c'est-à-dire tout va être mis en perspective en fonction d'un critère, en fonction du discours et de l'approche identitaire sélectionné. Ça va être donc le critère entre guillemets de race, ça va être le critère effectivement sexuel, mais on tend de plus en plus, c'est le critère de race qui tend de plus en plus à émerger au sommet de la pyramide et à tout orienter. Laurent Lotti, vous êtes chercheur au CNRS et vous avez signé l'appel des 80 intellectuels contre le décolonialisme, paru dans Le Point en novembre 2018. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous résumer cette tribune pour ceux qui ne l'auraient pas lue ? Alors, il faut que j'arrive à bien m'en souvenir, mais en gros, il s'agit d'alerter les lecteurs de la tribune et les institutions du risque de l'entrisme, disons, d'un militantisme à l'université et aussi dans le domaine de la culture. Un militantisme qui a ceci de terrible, qu'il se présente comme progressiste et qu'il risque précisément de mettre en danger un certain nombre de combats de progrès mis en place depuis longtemps. Est toujours nécessaire, c'est-à-dire la lutte contre le racisme, principalement, et la lutte contre le sexisme. Il s'agit d'une tribune qui dénonce donc une idéologie plutôt importée des États-Unis. Des combats importés des États-Unis le sont peut-être encore utiles aux États-Unis, un pays très honorable et magnifique par la mise en place d'une république et son souci de démocratie, mais qui malheureusement est en grande partie fondée sur une inégalité raciale extrêmement violente à l'égard des Indiens d'Amérique et puis à l'égard des Noirs issus de la traite transatlantique. Les États-Unis ont développé pour combattre pour l'égalité une alliance, disons, entre différentes formes de minorités dominées, et le contexte français est très différent du contexte des États-Unis. Il y a eu, c'est clair et manifeste historiquement en France, colonialisme. Il y a eu, à certaines périodes de l'histoire française, racisme d'État, je pense par exemple à la période de Vichy. Il y a eu sexisme et ô combien, il suffit de penser à la date du droit de vote des femmes en France par exemple. Mais l'importation de formes de lutte américaines, qui sont ce qu'elles sont, qui sont peut-être nécessaires aux États-Unis, peut-être pas, en France, est finalement extrêmement dangereuse, précisément pour la lutte contre le sexisme et contre le racisme en France. Bon. Je crois que cette tribune, si je m'en souviens bien, que j'ai signée et que je maintiens parfaitement ma signature, bien sûr, consistait à dénoncer l'inversion, en fait, des luttes contre le racisme et contre le sexisme, du fait de cette pénétration d'une idéologie qui se présente comme antiraciste et qui renforce le racisme, qui se présente comme féministe et qui renforce l'opposition au féminisme. On est un petit peu au cœur de cette polémique, c'est-à-dire cette peur exprimée donc dans les tribunes récentes, hein, de notamment les 80 intellectuels contre le décolonialisme, que l'utilisation du mot race ou du concept social, en l'occurrence dans les sciences humaines de race, n'aboutisse à une réactivation des tensions en France, ou en tout cas un repli identitaire. Il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés dans cette discussion. Patrick Simon, chercheur à l'INED. Le problème, c'est que d'abord, ils partent du principe que cette situation n'existe pas pour l'instant. Ce qui est un peu curieux dans la mesure où les questions de racialisation ou d'ethnicisation dans la vie publique sont extrêmement présentes. Aujourd'hui, on est saturé de références à l'ethnicité et à la race. Dans les interactions quotidiennes, y compris par des institutions, ces dimensions sont prises en compte de façon permanente. Alors, faire comme si ça n'était pas encore le cas et que si on développe les travaux et on utilise les concepts de race, on va aggraver une situation qui est encore réversible, c'est une vue de l'esprit. On peut la contredire. Dans l'immédiat, il faudrait pouvoir rendre compte et dire pourquoi et comment la race joue un rôle aussi déterminant dans une société qui se veut colorblind. Colorblind, c'est-à-dire justement ne donne pas d'importance ou de réalité à cette dimension racialisée des rapports sociaux. On peut concevoir que l'État doit être colorblind, et on peut en débattre, mais en tout cas quand nous, en sciences sociales, on doit rendre compte de ce qui se passe dans la société, on ne peut pas faire l'impasse sur la réalité de ces dynamiques par lesquelles des personnes sont traitées différemment ou ont accès dans des conditions particulières à la vie sociale. Pour donner un exemple, je vois mal comment on peut continuer à travailler sur le chômage sans voir qu'il y a une bifurcation très forte parmi les personnes qui cherchent un emploi entre celles qui sont blanches et celles qui ne le sont pas. La question du diplôme, la question des origines sociales explique une partie de la situation, mais pas seulement. Et donc, je ne comprendrais pas qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment du côté du chômage, si jamais je n'inclus pas et le sexe et l'origine comme des facteurs qui ont un rôle important dans ces dynamiques d'explication de l'accès à l'emploi, mais pareil pour l'éducation, pareil pour le logement. On parle de la constitution des quartiers. Il est évident que les ménages, en fonction de leur origine, n'ont pas accès dans les mêmes conditions à des quartiers qui sont plus ou moins aisés, ou en tout cas qui donnent des possibilités plus intéressantes en matière de vie quotidienne. Donc, si on doit essayer de comprendre comment fonctionne la société, il faut s'attacher aux caractéristiques qui ont un rôle dans la formation de cette société. Dire que notre responsabilité en tant que chercheur en sciences sociales, c'est délibérément d'occulter cette dimension-là parce qu'elle est, elle est problématique du point de vue de nos idées politiques et que l'horizon de disparition de ces catégories nécessite de ne pas en tenir compte dans l'instant présent, me paraît très problématique. On prend une responsabilité très très forte d'ignorer l'intensité et l'importance des discriminations et des inégalités dans la France contemporaine, et on ne mesure pas quelles vont être les conséquences de ce type d'ignorance. Dans les sciences sociales, parmi les chercheurs, l'idée est vraiment de parler de race en tant que concept social, donc oui, à l'opposé de cette... Merci pour cette question, c'est une question très importante. Effectivement, je connais cet argument qui consiste à dire que, alors que ce soit dans les milieux très politiques, indigénistes, ou le volet intellectuel et académique qui est le volet décolonial, qui consiste à dire que la notion de race n'est activée que de manière sociale. Autrement dit, dans un sens biopolitique et héritier de Foucault. Il y a deux choses. Vous voyez bien que lorsque vous imposez, quand vous êtes dans un perspectivisme racial, que lorsque vous décrétez que tout phénomène économique, social, psychologique et psychique peut être interprété à l'aune de cette notion de race, vous en faites un critère, enfin un ouvre-boîte universel qui le rend absolument réel dans tous les imaginaires et, comme on dit, qui le performe dans la réalité. Deuxièmement, il y a déjà un problème à l'origine dans l'utilisation chez Foucault et au début de cette notion de race. Foucault, qui au demeurant a écrit des choses très intéressantes, mais sur la question du biopolitique, si vous voulez, il a contribué à dire tout ce qui est politique est biologique. Ça, c'est la simplification aussi décoloniale. Si vous dites que tout ce qui est politique est biologique, tout ce qui est biologique est politique. Donc, vous participez à une biologisation, effectivement, à une perception biologisante du politique. Et dans cette déclinaison radicale décoloniale, effectivement, on a établi un plan d'équivalence entre tout ce qui est politique et biologique. Donc, tout ce qui est biologique et politique. De la même manière, tout ce qui est social est biologique et tout ce qui est biologique, donc, va s'avérer social. Donc, les concepts se confondent. Il y a un confusionnisme qui aboutit à une biologisation de l'ensemble de la perception de la société et des rapports de pouvoir. Bon, pour les décoloniaux, on pourrait parler peut-être d'une absolutisation de la différence, c'est-à-dire de mettre en avant les différences. Je trouve que le mot est intéressant parce qu'on l'entend en ce moment. Donc, c'est vraiment isoler un peu la différence, la porter, la valoriser les différences, j'allais dire pour mieux exclure. Voilà, ça crée du coup une forme de séparatisme social entre les différents. D'ailleurs, ils disent les indigènes. Le titre du livre d'ailleurs d'Aurélien Boutelja, c'est « Les Blancs, les Juifs et nous ». Donc c'est une façon effectivement de diviser, de séparer des groupes ethniques. Et c'est ça, il nous semble, le danger, c'est de par le renversement du stigmate, ou le renversement effectivement du racisme en antiracisme, vous voyez, valoriser la différence. Et donc, si on valorise la différence, on va créer effectivement des tensions entre groupes communautaires, notamment, d'où l'idée des blancs, qui dominent, qui sont racistes, qui excluent les autres, et les indigènes entre guillemets, qui seraient effectivement discriminés et qu'il faut donc valoriser, soutenir, donc c'est un peu le discours quand même des décoloniaux. Alors déjà, il faudrait savoir ce que ces gens appellent décolonial. Audrey Célestine, Université de Lille. Les gens qui dénoncent le décolonial à l'université mettent en fait dans une catégorie qu'ils forgent mais qu'ils ne définissent pas vraiment, tout un tas de travaux qui vont porter sur la race, sur le monde colonial, sur le post-colonial, etc. Donc plein de recherches qui en fait portent pas sur les mêmes objets, disent pas la même chose, à part de chercheurs qui ont des positions différentes et des approches très différentes des choses. Et du coup, quand ses collègues critiques disent « Ah bah oui, bah en parlant de la race, on contribue à la faire exister », deux choses. D'une part, ça existe dans le monde social, ça a des effets sur le social, donc en fait, on peut l'analyser. Après, il y a une autre question qui est « Est-ce que travailler sur une catégorie contribue à la solidifier, à la faire exister ?» Oui, bien sûr, mais si ces gens nous lisaient, ils verraient que c'est un souci permanent. C'est un souci permanent quand j'avais 22-23 ans, j'ai fait mon DEA. Et mon DEA s'appelait « La troisième île en question, enquête sur la notion de communauté antillaise ». Parce que moi, j'étais très agacée par tout un tas de collectifs qui prétendaient parler en mon nom, parler au nom des Antillais de France. Moi, je me définis comme une Antillaise. Enfin, ça faisait quelques années que j'étais ici, donc j'étais une étudiante Antillaise en France. Et je recevais ces mails. Je faisais ça, je dis, mais qui sont ces gens? Ils ne me représentent pas, je ne les connais même pas. De quoi parle-t-il? Et du coup, j'ai décidé de faire une enquête sur... Mais pour les gens d'origine Antillaise, lambda, qui sont nés ici ou qui ont grandi ici, qu'est-ce que c'est pour eux, la communauté Antillaise? Et donc, j'ai décidé de travailler sur ça. En me rendant bien compte qu'en moi-même, en parlant de communauté Antillaise, je contribuais à fabriquer quelque chose, mais fabriquer quelque chose qui partait pas de rien. Et en fait, on ne cesse d'être extrêmement prudent sur le fait qu'on est en train d'essayer de construire et de déconstruire des catégories, des assignations, et qu'on ne veut pas reproduire la geste d'assignation quand on fait ce travail. Donc en fait, on ne cesse d'être prudent, d'avoir des espèces de prudence dans l'analyse, conscient des effets que pourraient avoir nos travaux sur le réel, mais on part du réel. On part de tout ça, on part de ce que les gens disent, du fait qu'ils aient fortement intégré le fait qu'en France, c'est pas trop bien de faire communauté, donc on va plutôt dire « Ah non, moi, la communauté antillaise, ça m'intéresse pas du tout. » « Ah, mais oui, c'est vrai, je vais dans des associations antillaises. Ah oui, oui, j'ai fait du foot pendant des années dans le club des Antillais de Lieu-Saint-Moissy. Ah oui, moi, tous les dimanches, je cuisine tel truc. Ah bah moi, c'est important, je continue à parler créole à mes enfants. Ah mais moi, par contre, la communauté, non, moi, c'est pas mon truc. Hein. Franchement, c'est pas mon truc. » Les gens, ils ont complètement pris en compte tout ça. Ils ont pris en compte le fait que, ah mais oui, c'est sûr, ici, on n'est pas complètement chez nous. Donc, j'ai dit à mes enfants qu'il faut qu'ils se comportent particulièrement bien. Ou alors, on est français comme les autres, mes enfants n'ont pas à s'excuser d'être là. C'est une dimension qui est toujours présente chez les gens, ces phénomènes d'assignation. Et nous, en fait, on ne fait que le dévoiler. Je crois que il y a une politisation des savoirs. Christophe Prochasson, président de l'UHESS. Plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cela dit, encore une fois, on ne peut pas opposer complètement... ce qui se passe dans une institution fait des sciences sociales et le monde extérieur, bien sûr. Mais il me semble que les gens continuent, parviennent à échanger ici, alors que on voit qu'à l'extérieur, on s'accable, on s'insulte. Je crois aussi que les journalistes ont un certain goût aussi pour ce type d'affrontement. Et donc, que les journaux s'empressent de publier des tribunes qui dénoncent tel ou tel, il faut bien vendre du papier aussi. Je pense qu'il y a une hystérisation, ça me préoccupe beaucoup, entre deux camps. Hein. C'est toujours formidable pour animer un débat médiatique, excusez-moi, d'avoir deux camps bien cernés de gens qui pensent le contraire ou prétendent en tout cas penser le contraire. Bon. Entre ceux qui sont universalistes, en gros, et ceux qui sont communautaristes. Et puis comme ça, c'est confection homme et confection femme, si vous voulez. Les choses sont claires, vous êtes d'un camp, vous êtes dans l'autre. Bon. Je crois qu'en effet, c'est ça qui ronge tout à fait l'importance et la qualité de nouvelles préoccupations scientifiques. Il y a aussi des tas de gens qui prennent en charge ces questions-là, sans, j'emploie le mot, sans énervement, sans agressivité, sans préoccupation militante, mais qui observe le monde social tel qu'il va et essaye de le comprendre. Bien sûr, ce sont des questions légitimes. Et je crois qu'il serait, aussi bien les questions de genre que les questions de race, il serait tout à fait dommageable de dire que tout cela, ce sont des effets de mode et qu'il faut les repousser. Il y a parfois des effets de mode, en effet. Il y a parfois des abus ou des tics de langage ou des problématiques imposées, etc. Tout cela existe aussi, je ne suis pas en train de le nier. Mais de dire que ces questions ne sont pas pertinentes me paraît tout à fait déraisonnable et non scientifique. Enfin, dire que, par exemple, la question des rôles sociaux de genre serait une question dérisoire et inutile n'aurait tout simplement aucun sens. D'autant plus que, pour le coup, il y a aussi toute une préhistoire à cela, et même une histoire d'ailleurs, qui ne date pas d'il y a seulement 10 ans. J'ai trouvé que l'expansion de ces catégories et de ces théorisations a été extrêmement rapide et exponentielle, bénéficiant de mécanismes nombreux en fait qui viennent de la libéralisation, de l'ultralibéralisation de la recherche. Par exemple, la nouvelle université, l'université autonome, celle qui procède par appel au projet, ce qu'on appelle aussi la push science, cette nouvelle science qui se voudrait extrêmement utilitariste et fonctionnant sur le court terme, eh bien, elle a facilité l'accueil et le développement extrêmement rapide de modes intellectuels qu'on n'a pas le temps d'interroger, avec des concepts qui sont d'ailleurs de plus en plus souvent non traduits. Donc une prolifération de mots comme agencies, comme white privilege, etc., que l'on a, on ne prend même pas le temps de traduire, c'est dire que l'on ne pourra même pas commencer à les analyser. Donc à mon sens, il y a aussi toute une dérive sémantique utilisant des concepts de plus en plus creux et fourre-tout. Vous travaillez, Éric Fassin, sur ces questions donc de domination, de race ou de genre. Pourquoi, à votre avis, ça suscite autant de polémiques en France ? D'abord, il me paraît pas surprenant que quand on pose des questions sur l'ordre des choses, Éric Fassin, sur l'ordre social, Université Paris 8, que ça ne rencontre pas l'unanimité, parce que précisément, il s'agit de bousculer l'évidence des choses. C'est très visible en ce moment sur tout ce qui touche aux questions raciales, parce que ça pose la question de la place de chacune et de chacun, au même titre que l'ordre sexuel, dans la société. Alors après, pourquoi en France ? En France, il y a à la fois des réactions sociales, c'est-à-dire dans la société dans son ensemble, mais il y a aussi des réactions qui sont davantage propres au monde universitaire ou au monde intellectuel. On peut faire l'hypothèse que dans le monde universitaire, et en particulier dans tout ce qui touche de près ou de loin aux sciences sociales, on voit la conjonction de deux logiques très différentes, qui, historiquement, étaient plutôt des logiques antagonistes. D'un côté, une sorte de néo-marxisme qui dit que, en dernière instance, les questions sont de classe, et donc, tout ce qui mobiliserait d'autres logiques de domination, que ce soit domination sexuelle ou raciale, nous distrairait de la vraie question, de la question économique en dernière instance. Ça, c'est une première logique. Il y a une deuxième logique, qui est une logique qui peut revendiquer le mot d'universalisme ou le mot républicain. Et dans ce cas-là, ça n'est pas du tout la même chose, bien sûr, que le néo-marxisme, puisqu'il ne s'agit pas de dire que c'est la classe, que c'est l'économie, etc., mais c'est de dire que tout cela fragmente en quelque sorte la société, que mettre l'accent sur le fait qu'il y a des formes de domination sexuelle ou raciale, eh bien, ça évite une sorte d'intégration républicaine. Ce sont deux logiques très très différentes. Il se trouve que parfois on les entend aujourd'hui conjuguées dans le même discours et par les mêmes personnes. C'est-à-dire que la même personne va dire « c'est la classe qui est importante » et d'ailleurs il ne faut pas diviser la société. Deux propositions qui me paraissent en tension. Et qu'est-ce que vous répondez à ça, notamment sur ces questions, ces accusations de que l'intersectionnalité, notamment le décolonialisme, accentuerait les tensions et les crispations identitaires en France ? Je répondrai à ce moment-là sur les deux fronts, c'est-à-dire et par rapport à la critique néo-marxiste et par rapport à la critique néo-républicaine. Pour la critique néo-marxiste, je dirais que justement, c'est ça qui s'est joué depuis une génération, c'est d'essayer de se dire qu'il n'y a pas une seule logique, qu'il y a une pluralité de logiques qui sont des logiques de domination qui peuvent se croiser de manière complexe. Deuxièmement, par rapport à la logique néo-républicaine, il faudrait se demander pourquoi il y a des femmes qui se mobilisent depuis longtemps, et pas simplement depuis 10 ans ou 20 ans, et pas seulement dans l'université, mais pourquoi il y a un mouvement féministe ? Eh bien précisément parce que la promesse universaliste des démocraties libérales, elle a été aussitôt démentie par le fait d'exclure les femmes, en particulier de la citoyenneté. Mais on pourrait dire aujourd'hui c'est fini puisqu'il y a le vote, mais manifestement ça n'est pas fini, c'est-à-dire que les questions de domination, on n'en a pas fini avec elles, et que donc, je crois que de ce point de vue-là, on a un premier élément de réponse, c'est que l'universalisme, c'est d'abord de revendiquer que tout le monde soit traité pareil. Et donc, l'idée que parce que les femmes font remarquer qu'elles ne sont pas traitées comme tout le monde, on leur dirait qu'elles mettent en péril l'universalisme, je crois qu'il faut renverser la proposition et se dire que ne pas traiter tout le monde pareil, c'est ça qui met en cause l'universalisme. Autrement dit, la question c'est de savoir comment on fait pour combattre le fait que tout le monde n'est pas traité pareil. C'est vrai dans un registre sexuel et dans l'autre racial. Alors il y a autre chose, Éric Fassin, que ces signataires de ces tribunes vous reprochent, c'est d'être l'importateur de concepts qui viennent des États-Unis, notamment la pensée de Judith Butler, et qui ne correspondraient en aucun cas à la situation française. Alors, je crois que c'est une drôle de conception de l'universalisme, d'une part, et c'est une drôle de conception du travail scientifique, d'autre part, de considérer que ça doit se passer à l'échelle nationale. L'idée que l'universalisme est français me paraît une contradiction dans les termes. Par définition, on parle de tout le monde. Et c'est vrai dans le domaine politique, mais c'est vrai aussi dans le domaine scientifique. La science, ça n'est pas une science nationale. Le savoir ne s'arrête pas aux frontières. Il y a une circulation. Alors, importer, ça veut dire quoi ? Importer, ça voudrait dire qu'on serait dans une logique de marché. Je crois que si on prend au sérieux la vie intellectuelle, on utilisera un autre terme qui est celui de traduction. La traduction, c'est très différent de l'importation. Et je crois qu'il est utile de réfléchir précisément au sens de ces circulations. La traduction, ça suppose de prendre en compte deux contextes, le contexte de départ et le contexte d'arrivée. C'est-à-dire, si vous prenez l'exemple du travail de Judith Butler, eh bien, si on veut utiliser son travail, on a intérêt à réfléchir d'une part pour mieux comprendre le contexte dans lequel émerge sa propre réflexion, et d'autre part, de réfléchir et d'analyser le contexte dans lequel on veut s'en emparer. Autrement dit, ça n'est pas de l'importation, c'est tout un travail et un travail intellectuel pour essayer de voir à quoi ça peut servir quand on est dans un contexte différent d'utiliser des réflexions qui ont été produites ailleurs. Il n'y a pas d'importation. Abdelali Hadjat, Université libre de Bruxelles. Le concept de racialisation, qui est-ce qui l'a inventé ? C'est Frantz Fanon. Frantz Fanon, jusqu'à preuve du contraire, était français et algérien après, pendant la guerre d'indépendance, mais c'est de la pensée qui s'inscrit dans le monde intellectuel français. Il a été plus repris dans le monde académique anglophone, certes, beaucoup moins que dans le monde académique francophone, c'est vrai. Mais cette idée d'importation en elle-même, elle fait pas de sens, elle rend pas compte de la circulation de la pensée. Et je pense que si on regardait dans le détail des publications de ces 80 intellectuels, on trouverait très bien des concepts que eux-mêmes utilisent et qui renvoient de traditions anglaises, américaines, allemandes, je sais pas. Donc cette idée d'importation d'une réalité et des États-Unis qui serait pas la même que celle de la réalité française, c'est une idée qui, en soi, est aberrante, dans la mesure où le racisme et, au-delà de ça, les processus de racialisation sont présents en France, indépendamment de ce qui existe aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on donne l'illusion, Clyde Plumosil, d'une sorte de mainmise chercheuse de ces théories dites identitaires, alors que ce sont des théorisations critiques du monde social, sur les étudiants, sur leur façon de voir le monde, et donc d'une certaine manière, on les politiserait plutôt qu'on ne les éduquerait. Déjà, il faut savoir que tout savoir est politique. Donc les études de genre, comme les relations internationales, n'échappent pas à cette approche du monde. C'est ça d'ailleurs le lot commun des théories critiques du monde social. Et par ailleurs, il faut savoir que cette mainmise dénoncée attaque très particulièrement des questions d'identité de genre et de sexualité, mais aussi d'identité de race. Ce qui est intéressant, en fait, quand je lisais ces tribunes et ces différents articles, c'est qu'ils accomplissent exactement ce qu'ils reprochent, en fait, aux études de genre. À savoir qu'ils dénoncent des approches identitaires quand eux-mêmes, en fait, défendent une identité. Supposément neutre, mais finalement, si on gratte un peu, très largement masculine, blanche, bourgeoise, hétérosexuelle également. Et les études de genre, aux côtés des études sur les questions de la race, de l'âge, de la sexualité, ont pour enjeu justement de déjouer les assignations identitaires. Il ne s'agit pas de figer des identités. Il s'agit de montrer la multiplicité des possibles et comment ces possibles identitaires sont le résultat de mécaniques de pouvoir qui fait qu'on ne naît pas femme, on le devient. Et de la même manière, être noir, par exemple, en France, c'est le fruit non pas d'une couleur de peau, mais aussi de toute une construction politique autour de ça, liée effectivement à l'histoire coloniale, liée au système politique actuel, qui fait que quand on est noir dans l'espace public, on n'est pas vu de la même manière que quand on est blanc. Et que quand on est blanc, d'ailleurs, la couleur de peau, d'une certaine manière, n'est pas vue. On a la possibilité, nous, et le privilège d'être neutre, d'une certaine manière. Et donc, on reproche une forme de séparatisme identitaire à des études qui, au contraire, essayent de déjouer cette fixation de l'ordre social dans des identités. Donc il y a une forme de malhonnêteté. Et cette malhonnêteté, elle est, elle n'est pas le fruit d'une angoisse, d'une peur, elle ne relève pas de l'émotion. Elle relève d'une rationalité politique qui vise à maintenir l'inégalité de l'ordre social actuel et lutter contre des études qui sont plutôt vues en fait comme des lieux d'émancipation potentielle. De nombreuses tribunes anticoloniales ont été publiées dans les journaux, des magazines. Des réponses ont été publiées notamment dans Mediapart. Comment vous décririez cette polémique, Joseph Confavreux? Quels sont les enjeux en fait? Les enjeux, c'est ça qui est bizarre, c'est que Joseph Confavreux, journaliste à Mediapart. On nous présente ça comme souvent une symétrie entre, il y aurait d'un côté les réactionnaires racistes et de l'autre les antiracistes, des coloniaux, voilà. Et là, on a un phénomène bizarre, c'est-à-dire qu'on a d'un côté beaucoup de journaux, bon alors soit qui en font vraiment leur fonds de commerce, Le Point, Valeurs Actuelles, qui passent leur temps à parler de l'hégémonie des coloniales, alors que voilà, le rapport de force n'est pas du tout le même entre les réactionnaires qui ont plein de journaux à leurs mains, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, et des petites troupes des coloniales. Et donc c'est vrai que Mediapart, dans ce contexte assez figé, où pour moi la symétrie est frauduleuse, puisque de même qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, même s'il peut y avoir des insultes envers les blancs, alors qu'il y a un racisme systémique qui concerne les minorités, il n'y a pas d'un côté l'extrême droite et de l'autre côté les antiracistes racisés, on va dire. Et donc c'est vrai que de ce fait, Mediapart, bon, qui est un journal participatif, donc nous c'est pas tout à fait le même rapport qu'on a aux tribunes, mais on accueille en fait pas mal ces voix des coloniales, parce que de fait elles ont peu de tribunes comparées, enfin dans le champ médiatique tel qu'il fonctionne, puisque très vite elles sont accusées au fond de vouloir en saper la République, saper l'universalisme, saper la France au fond. Il y a eu quand même quelques réponses hein, dans des journaux type Libération ou Le Monde. Il y en a quelques-unes, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que à la fois le rapport de force n'est pas symétrique, et puis qu'en plus, il n'y a pas de légitimité à critiquer autant les décoloniaux comme le font les républicains durcis du printemps républicain. C'est-à-dire que on part pas de la même... C'est-à-dire que là, il y a un combat de minorité pour accéder à simplement l'égalité, et que voilà, c'est un combat légitime, alors que là, il y a vraiment, dans certaines tribunes, et y compris dans Le Monde, une volonté de les faire taire. Voilà. Et comme le gros enjeu aujourd'hui, c'est justement que ces minorités-là puissent parler en leur nom propre, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas universelles, parce que l'égalité est une valeur universelle, et la plupart d'entre elles, même s'il y a une fraction qui, à mon avis, est engagée dans des dérives identitaires, ça c'est très personnel, que je pense à la fois inefficace et parfois dangereuse, globalement, on est dans un combat qui se fait pas à armes égales et surtout pas avec la même légitimité. Pourquoi avoir choisi de porter ce conflit dans les médias plutôt que de le régler au sein de l'université ou du CNRS? Je ne sais pas si je veux bien répondre à cette question. Est-ce que je l'ai choisi? Est-ce que ça s'est imposé tout seul? Parce que vous avez été très active, je crois. Vous disiez même, Laurent Lotti, que vous aviez eu du mal à la faire publier, cette tribune, dans un premier temps. La tribune des 80 intellectuels qui a été publiée dans Le Point, Je me suis contenté, disons, de la signer parce que j'estimais que le texte était, que j'y adhérais pleinement. J'ai, si je me souviens bien, cherché quelques signataires du côté de d'amis pouvant partager ces idées-là. Je n'ai ni écrite ni, je me suis pas occupé d'aller chercher directement où la publier, enfin de l'écrire ou de la chercher ou de la publier. En revanche, je sais que celle-ci, comme d'autres tribunes du même ordre sur le même type de sujet, ont eu du mal à être publiées dans des journaux réputés, disons, de gauche ou centristes. Et c'est un drame pour l'ensemble de la vie politique française aujourd'hui, me semble-t-il, que le déni à l'égard de l'islamisme d'une part, à l'égard du décolonialisme qui lui est corrélé d'autre part, voire à l'égard de questions qui paraissent beaucoup plus... voire à l'égard de ce qui concerne les gender studies, disons, ou le genre... C'est terrible que la gauche, ou encore davantage l'extrême gauche, ait du mal à passer à une prise de conscience que je crois nécessaire. Je suis en tout cas persuadé que des personnes qui ont pu être signataires de tribunes dans des journaux réputés de droite, ou pour certains considérés comme très à droite, ne se reconnaissent en aucun cas comme étant particulièrement de droite. Ça peut être des gens qui ont milité toute leur vie à gauche, voire très à gauche. Le problème est, où peut-on aujourd'hui tenter d'exprimer un certain nombre d'idées et d'espérer aussi diffuser une prise de conscience à l'égard de problèmes qui ont ceci de délicat, qu'ils viennent de gens qui se présentent comme du côté du bien et qui peuvent faire du mal, qui se présentent comme féministes et qui sont anti-féministes. Mais bien sûr, le problème, c'est que chacun dira cela de l'adversaire. Pourquoi l'antiracisme tel qu'il est porté par ces associations souvent racialisées fait-il aussi peur ? Parce que la société française ne va pas très bien et là, elle entend des voix qu'elle a souvent voulu soit écraser pour une partie de la société, soit simplement accompagner, mais s'il se conformait vraiment aux règles républicaines, alors ça c'est normal, mais en fait à autre chose que ça, c'est-à-dire à une forme, c'est-à-dire qu'on n'acceptait pas l'altérité. Après, parce que, bon, voilà, il faut le dire aussi, il y a un problème de djihadisme et d'islamisme en France, hein, je pense qu'il ne faut pas le négliger complètement, mais après, lier ça aux questions raciales, ça me semble très compliqué, parce que c'est pas la même chose, et c'est toujours pareil, c'est qu'on parle du communautarisme. À mon avis, sur cette question de communautarisme, le texte fondamental, c'est l'enquête Théo de l'INED, donc Trajectoire et Origine, qui permet de montrer que le communautarisme n'est pas spécifique aux musulmans. Il y a des formes de repli communautaire beaucoup plus violents dans la bourgeoisie française et sans doute des fois beaucoup plus dangereuses pour la société française que chez les musulmans. Après, qu'il y ait dans certains endroits, certains territoires, des replis communautaires, c'est évident et je pense que ça sert à rien de le masquer, mais penser que c'est pour ça qu'il faut s'affoler des théories décoloniales, ça me semble être justement l'inverse, parce que c'est, je pense, en entendant ces voix-là, en portant certaines de leurs revendications, en les intégrant sans les assimiler à la République française, que justement on pourra lutter contre les communautarismes, quels qu'ils soient. Je pense que ça fait des dizaines d'années que je suis en fait très sensible aux questions économico-politiques qu'on ramène au terme de classe, disons, et aux questions de racisme, d'antisémitisme et de sexisme. Mais, comme peut-être beaucoup de mes contemporains, il me semble que j'ai été, que j'ai accédé à une certaine prise de conscience de l'urgence à réagir à tous les phénomènes qui nous préoccupent là, en ce moment, pour cette émission. D'abord, à l'occasion des attentats islamistes. On ne peut pas en fait traiter les questions de race et de genre là, qui montent au créneau dans le domaine de l'université et aussi de la culture sans les rapprocher, parce qu'ils sont rapprochés par un certain nombre de groupuscules agissants, disons, et puis aussi par une idéologie qui se répand de plus en plus, parce qu'ils sont rapprochés des questions religieuses. Notre société française a eu un gros choc, pour ceux qui ne travaillaient pas là-dessus auparavant, en étant touché progressivement depuis les attentats de Mera, et ensuite par les attentats qui ont touché Charlie Hebdo, l'Hypercacher, quelques jours après, et puis les attentats qui ont suivi, le Bataclan encore plus peut-être, parce que ça accédait à un degré de généralité terrible. Et donc ça, c'est pas très vieux. Disons qu'il y a eu une forte inquiétude, une forte prise de conscience de la société française autour de, disons, 2015. Et puis, c'est à peu près au même moment, mais en fait, ce sont des phénomènes qui datent et qui remontent beaucoup plus avant dans le temps, mais à peu près au même moment, les médias et les universitaires ont pris acte de la montée en puissance d'un militantisme tentant d'interpréter tous les phénomènes sociaux par la race et par le sexe, corrélé en fait à un militantisme cherchant à revaloriser des formes religieuses intégristes, dangereuses pour la laïcité et dangereuses pour la paix civile. Il est heureux qu'un grand nombre de chercheurs, d'étudiants et de gens dans la société civile en général tentent de lutter contre toutes les formes de sexisme. Il est dramatique que se présentent désormais comme féministes des féministes comme les... Enfin, des féministes qui... Ce que j'appelle le féministe en burqa ou en burkini, si ça vous fait plaisir, c'est pas beaucoup mieux parce que le burkini a été valorisé par des associations qui défendaient ce néo-féminisme-là en burqa. Alors, le féminisme en burqa... Alors ça, c'est très intéressant. Donc, j'imagine que ça s'oppose à un féminisme dentelle ou je ne sais pas. Bon, clairement, il y a un gros problème en France à l'égard de ce qu'on a conceptualisé comme l'islam et la place des femmes dans la religion musulmane qui se cristallise sur des symboles extrêmement pratiques à mobiliser parce que visuels, notamment donc le voile. Moi, je suis choquée par cette appellation parce que je crois de tout cœur et je sais qu'il existe des féminismes islamiques, des féminismes arabes qui défendent une pensée du féminisme avec des nouveaux enjeux liés à la question de la subalternité, de la colonialité, que n'avaient pas pu voir bien des féminismes européens, qui donnent la capacité à des femmes qu'on ne considère pas l'exact égale des autres femmes à montrer comment elles font le choix de choisir leur vie et donc leur spiritualité. Que par ailleurs, il y a bien des féminismes arabes qui ne se revendiquent pas de la religion musulmane. En fait, on est dans une forme d'amalgame et d'un raccourci assez honteux qui permet une fois de plus de disqualifier celles et ceux qui essayent de prendre la parole pour parler d'eux-mêmes et faire advenir leur existence au sein de la société, parce qu'il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes, il n'y a pas une théorie du genre, il y a des études de genre, et c'est dans cette pluralité qu'on arrive à trouver un projet commun, à savoir celui du respect de la dignité des unes et des autres. Pour vous, Anne Lafont, cette question de l'universel et je ne sais pas quel mot employer, du particularisme, n'est pas incompatible. Cet universel, il est transformé en permanence, en fait. C'est ça l'idée. J'espère bien, oui, c'est vraiment comme ça que je le prends. C'est-à-dire que c'est ce que, notamment dans le numéro d'esprit que nous avons conduit avec Anne Dugin. Anne Lafont, chercheuse à l'EHESS. L'idée, c'était vraiment de repenser l'universel en n'abandonnant pas la question du particularisme. Et comment En l'occurrence, les mondes noirs nous ont beaucoup occupés, bon, parce que ce sont des choses sur lesquelles je travaille, donc je peux avoir une forme d'expertise qui m'autorise à voir comment on passe d'un particularisme à une dimension plus universelle, mais comment il y a cette quête, tout en situant, tout en ancrant les choses justement dans une expérience noire, disons, il peut y avoir une quête vraiment d'aller vers l'universel, et même quelque chose qui se produit, qui a une dimension universelle dans son particularisme même. Et donc moi, je ne renoncerai ni à l'un ni à l'autre. Je pense que ça ouvre des possibilités. L'un ne s'oppose pas nécessairement à l'autre dans ma manière de penser les choses. Si l'on garde dans son particularisme la volonté quand même de rejoindre une dimension encore plus grande qui serait de l'ordre de l'universel. Vous comprenez les inquiétudes qui sont exprimées justement par ces tribunes et qui craignent une montée du multiculturalisme ou du communautarisme ? Absolument pas. Ce que je sens, c'est plutôt un manque de générosité de la part d'une certaine génération d'intellectuels français vis-à-vis d'une autre génération qui porte d'autres questions qu'ils n'ont pas vu venir. Et on peut pas leur en faire le reproche, mais peut-être pourraient-ils avoir la bonté, la générosité, aussi un peu d'intelligence de nous laisser la place, de poser ces questions-là. Ce que j'ai identifié, en tout cas, comme étant décidément très dynamique à pointer toute question liée à la race ou au genre comme étant une grande menace pour l'unité républicaine, sont souvent des gens que, par ailleurs, j'ai beaucoup admirés par le passé et qui ont refermé derrière eux la porte aux générations qui suivent, qui ont effectivement des expériences individuelles différentes des leurs, qui appartiennent à des mondes qui sont différents, comme ceux qui nous succéderont auront eux aussi des expériences encore nouvelles. Et la leçon que j'en tire, c'est que j'espère que j'aurai davantage de générosité à les accueillir, même dans des cas où je suis un peu désarçonnée par leurs questions. Il y a un petit groupe d'intellectuels français, effectivement, qui n'a pas du tout envie que d'autres questions surgissent, en l'occurrence dans les questions liées à la race et au genre. Quand les médias créent la polémique. Avec Céline Masson, Isabelle Barberis, Laurent Lotti, Patrick Simon, Audrey Célestine, Christophe Prochasson, Éric Fassin, Abdelali Adjat, Clyde Plumosil, Joseph Confavreux et Anne Lafont. Prise de son Georges Thau, Benjamin Thuot, Yvan Turc, Yves Lehorse et Antoine Espel. Mixage Claire Levasseur. Coordination Perrine Kervran. Attachée d'émission Marie-Vanne Abolivier. Quand les médias créent la polémique. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Somanina.